5'2", though that's not to do you. But we could both see if you stand next to me. But hearing the music is the main thing, so I'll just close my eyes and dance and sing. Yeah, I'm peeking through the cracks in a sea of bodies and of backs, and there's elbows in my face as I fight for some space. I can see part of the guitar if I stretch it pretty far, or if I sway back and forth snippets of the show. Excuse me, friend, I was before you in this line. Oh, you didn't see me. Well, that's just fine. I've been here all along. No, I'm sure I'm not wrong. Okay, fine, you go first since you're dying of thirst. Cause hearing the music is the main thing, so I'll just close my eyes and dance and sing. Yeah, I'm peeking through the cracks in a sea of bodies and of bags, and there's elbows in my face as I fight for some space. See part of a guitar if I stretch it pretty far, or if I sway back and forth, I can see snippets of the show. Excuse me, friend, but you're a bit too close. Yeah, you might not know, but your back just smacked my nose. If you could move an inch away, I'd be feeling more okay. Oh, there's not a nicer space. Don't be fine, just touch my face, cause hearing the music is the main thing. So I'll just close my eyes and dance and sing. Yeah, I'm peeking through the cracks in a sea of bodies and of backs, and there's elbows in my face as I fight for some space. I can see part of the guitar if I stretch it pretty far, or if I sway back and forth, I can see snippets of the show. Hey the friend, you can't see the stage. Yeah, it's down to your height, not down to your age, cause you're shorter than me, if that's a possibility. But we could both try to see if you stand next to me. But hearing the music is the main thing, so I'll just close my eyes and dance and sing. Yeah, I'm peeking through the cracks in a sea of bodies and of backs, and there's elbows in my face as I fight for some space. I can see part of the guitar if I stretch it pretty far, or if I sway back and forth, I can see snippets of the show. Hello and welcome, bonjour, bienvenue à bord, bienvenue à tous et toutes dans La Croisière Folk, cette émission qui vous fait voyager en musique et qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Je voudrais commencer cette émission en vous souhaitant une excellentissime année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de joie, d'aboutissement de vos projets, de bonheur, bref, et de musique aussi, bien sûr, parce que nous serons aussi présents. 5'2", c'est la chanson de Jess Marie Music que nous avons avec laquelle nous avons démarré cette émission. Avant la pandémie, Jess Marie Clement se produisait régulièrement avec ses amis lors d'open mix où elle partageait sa passion pour le chant. Lorsque le Covid est arrivé, le Covid a bouleversé nos vies, Jess a saisi l'opportunité d'explorer de nouvelles facettes de son talent. Elle s'est mise à jouer de la guitare et à écrire ses propres chansons et a découvert une passion pour les interpréter en public. La deuxième chanson qu'elle a créé s'appelle 5'2". C'est un titre qui aborde avec humour et sensibilité les défis liés à sa petite taille, notamment lors des concerts ou festivals bondés. Elle est originaire de Pontypool dans le Pays de Galles, mais elle ne limite pas ses performances à sa ville natale. Elle parcourt tout le Royaume-Uni pour partager sa musique. Jess Marie Music, c'est sa page Facebook. N'hésitez pas à la découvrir. Et on va poursuivre avec Strandhug, le coq du foudroyant, Cara, The Mate of Whitby. Alors Cara, c'est pas la marque de Pils, c'est un groupe international de folk celtique. Et il y aura aussi Christy Moore, Boy in the Wild, extrait de son nouvel album sorti en 2024, A Terrible Beauty. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment à l'écoute de La Croisière Folk. Faites-vous un bon chocolat chaud, un thé ou tout ce que vous aimez et enjoy the music. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Je bourlinguais de taverne en tripot. Mais là quand je vous parle sur l'océan, je fais le matelot. Un jour pourtant, il y a bien longtemps, quand j'avais plus d'argent, je m'ai fait enrôler comme cuisinier à bord du Foudroyant. Tu sais matelot, c'est de la terre qu'on aime mieux l'océan. Fais pas long comme moi, ne signe pas à bord du Foudroyant. Pense à moi, oh pense à moi, disait ma bonne amie, quand tu t'en seras parti là-bas, si loin aux colonies. Puis elle déposa dans ma main une pièce d'argent. Moi je l'embrassais vite et m'embarquais à bord du Foudroyant. Le capitaine était un manchot, le Bosco tout tordu, et le second c'était un breton, fin comme un cartahu. Les rats dansaient dans la combuse au milieu des harangues, et c'est comme ça que je mis mon sac à bord du Foudroyant. Tu sais matelot, c'est de la terre qu'on aime mieux l'océan. Fais pas long comme moi, ne signe pas à bord du Foudroyant. Sur tous les petites mers du globe, j'ai roulé ma carcasse. De Bornéo à San Francisco, de Shanghai aux Sargasses, j'ai cuisiné de la tortue, du requin à Durban, de l'oiseau qui pue et des flétans à bord du Foudroyant. Sur une escale au Kamchatka, j'ai reçu un courrier de ma bonne amie qui me disait qu'elle s'en était allée. Suis resté seul avec mes pots et ma pièce d'argent, comme un con de coq coquifié à bord du Foudroyant. Tu sais matelot, c'est de la terre qu'on aime mieux l'océan. Fais pas donc comme moi, ne signe pas à bord du Foudroyant. Tu sais matelot, c'est de la terre qu'on aime mieux l'océan. Fais pas long comme moi, ne signe pas à bord du Foudroyant. La croisière folle. Good vibrations. Ooh. It's off a maiden Whitby town. She was both fair and clever. She would sit by her father's door, no matter what the weather. A sailor coming home from sea, pockets overflowing, he saw the maiden sitting there quietly with her sewing. Oh, won't you come along with me, Bonnie, oh my honey, and we will go down to Whitby town and spend a little money. Father, he would not agree, would be against his wish, and with a twinkle in her eye she said that he's gone fishing. Blow away, you northern winds, blow away so cruelly, blow away, you northern winds, but none so cruel as a pretty maid that deceive you surely. Blow away, you northern winds. This couple's gone to Whitby town and soon we're making merry. In every tavern in the town they spent a little money. The night came down, the stars came out, the lady said, my sailor, oh, won't you come back home with me? I feel I must repay you. They went home and went upstairs. The maid turned down the covers and come to bed, my sailor boy, let's you and I be lovers. They went home, went upstairs. The maid turned down the covers and come to bed, my sailor boy, let's you and I be lovers. Blow away, you northern winds, blow away so cruelly, blow away, you northern winds, but none so cruel as a pretty maid that deceive you surely. Out of his clothes no quicker than he ought to, when the door broke down and a man came in saying, who's that with my daughter? Sailor through the window leaped down to his ship's gun running. He's left behind his clothes, his watch, and the best part of his money. Father with the daughter went down to the kitchen table to share the sailor's money out as quick as they were able. Father's gone to buy and a new suit from the tailors. Daughter to the door has gone to watch and wait for sailors. Blow away, you northern winds, go away so cruelly, blow away, you northern winds, but none so cruel as a pretty maid that deceive you surely. Sorrows, lift up your heart. Lean on your dad when you're not strong enough. He'll carry you home. Make all your mistakes. Stop yourself falling when you're flying low. Mind how you go, take heed who you follow. Lift up your heart, lean on your dad when you're not strong enough. He'll carry you home. He's been there before, he knows the score, the weight of that load, that dark and lonely road. He'll carry you home. Boy in the wild world, can't you see it's the way it is? Life holds many sorrows. Lift up your heart, lean on your dad when you're not strong enough. He'll carry you home. He'll carry you home. Nous venons d'écouter Christy Moore avec Boy in the Wild. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, pour ceux qui nous découvrent, eh bien, c'est la partie de l'émission dans laquelle, en trois chansons, on découvre un album. Et aujourd'hui, c'est l'album de Alan Doyle, Welcome Home. Alors, il est chanteur-compositeur de Terre-Neuve. C'est là qu'il habite, c'est au Canada. Il a débuté avec Great Big Sea avant de se lancer en solo. Welcome Home a été enregistré à Montréal avec Marcus Paquin. Et c'est son premier album studio en 6 ans. Accompagné par le groupe The Beautiful Gypsies, il propose un mélange de folk rock et de musique traditionnelle avec des instruments phares comme l'accordéon et le violon. Les textes sont souvent inspirés par la mer. Ils abordent aussi des thèmes personnels comme les relations dans Long Night and How Did We Get From Saying I Love You, Dancing Like We Did Last Night, évoque par exemple une ambiance festive, tandis que Ardol Hans explore le poids des souvenirs. Le morceau final, All for a Song, raconte le départ d'un musicien de sa terre natale. Un clin d'œil de Doyle, cet album, à la fois introspectif et enraciné, met en lumière son identité canadienne avec des chansons qui brillent aussi bien sur le disque qu'en live. Donc si vous allez le voir sur son site, vous pourrez connaître ses concerts. All for a Song, Welcome Home et Long Night. C'est avec ces trois chansons que je vous propose de découvrir donc l'album Welcome Home de Alan Doyle. 1, 2, 3, lancez la musique. We said our goodbyes under an argentous sky with old Newfoundland at our backs. No beds on the ferry, so we drank ourselves merry and sailed off to find Halifax. We were told there'd be treasures and measures of gold and beauties to crash by our sides. But what we found that first visit in an old Honda Civic was so much more than just a joyride. It wasn't for wine or for whiskey we fell. It wasn't for love, though the lovers did help. the reason we gave for sailing away so long on this wreck of a ship we've been on, you and me. We did it all for a song. By the time we hit Boston, we didn't know which way to turn. The Bowron was bent and the whistles were dented, and singing was starting to burn. But we took a chance that we could keep them dancing, 'cause Lukey was making them clap. But we were dying to know just how far we could go, and life was worth living for that. It wasn't for wine or for whiskey we fell. It wasn't for love, though the lovers did help. The reason we gave for sailing away so long on this wreck of a ship we've been on, you and me, we did it all for a song. With the walls closing in and the 1,000 miles left to Grand Falls, and we cursed in the verse and swore the only thing worse than this ride would be no ride at all. Not fame, acclaim, and not for ticket sales. Not for roses and thistles, or ladies and gents. And not for the youth, or the money we spent. It wasn't wanderlust, or a rambling fever, or cruising in tubes down the cold Boise River. Not beer by the bucket, or rum by the barrel, and not even the cover of the Newfoundland Herald. The reason we gave for sailing away so long on this wreck of a ship we've been on, you and me, we did it all for a song. There's a bounty for the take, and the hungry are the first to put to sea. There's a story and there's a song before the going become the gone, and the melodies that haunt our hearts and dreams. We'll sing to a smile we see. Welcome home, welcome home. It's been a long and lonely road, I know. So welcome, welcome home. There's a shadow on the town when the going's going down, and you stumble 'cause it hurts you falling. Light of day, the tide'll take you, and no one can say if it's harder on the leaving or the left behind. But we'll dance when you've done your time. Welcome home. We'll be right back. highway sign, we might have missed a turn. We might be on a bridge that's gonna burn. Let's rise and raise a toast to it. Get high and make the most of it. The hard way is the only way to learn. It's gonna be a long night, but that's alright. We've done this dance before. Just another long night, waltzing while the wolf is at the door. It's getting dark, but I can see a little spark is all we need. It's gonna be a long night, but that's alright. That's alright with me. I looked and it's not looking good. We took the road we thought we should. We didn't see the writing on the wall. But we won't let it break our hearts, 'cause broken hearts can't see the stars. And stars can find the perfect way to fall. It's gonna be a long night, but that's alright. We've done this dance before. Just another long night, waltzing while the wolf is at the door. It's getting dark, but I can see a little spark is all we need. It's gonna be a long night, but that's alright for me and you. We'll make it through the heavy and the hard. So take my hand and dance on till the daylight kills the dark. Oh. Falling hard on a certain hurting hand of cards. You couldn't find a king or queen to save your life. Just remember when the nights are long, life is just a simple song. Sing and you remember every line. It's gonna be a long night, but that's alright. We've done this dance before. Waltzing while the wolf is at the door. A long night, but that's alright. We've done this dance before. Just another long night, waltzing while the wolf is at the door. It's getting dark, but I can see a little spark is all we need. It's gonna be a long night, but that's alright for me. It's gonna be a long night, but that's alright for me. L'album Welcome Home de Alan Doyle, c'est celui-là que nous avons découvert dans 1, 2, 3, 3 chansons, All for a Song, Welcome Home et Long Night. Et on reprend maintenant notre habitude de vous diffuser des poèmes. On l'avait fait l'année passée avec les poèmes belges, de ce poète belge bien connu. Et aujourd'hui, c'est Jacques Prévert avec Quartier Libre. C'est un poème qui illustre une rébellion contre l'autorité et les normes établies. Le narrateur, c'est un soldat. Il répond à un ordre de son capitaine de manière absurde et provocatrice, affirmant qu'il tire sur son capitaine avec un revolver chargé de fleurs. Ce geste symbolique représente un refus de la violence et de la guerre, ainsi qu'une affirmation de la liberté individuelle et de la paix. Jacques Prévert critique l'obéissance aveugle et les absurdités des systèmes hiérarchiques, tout en célébrant un acte poétique et subversif où l'amour et la créativité remplacent la destruction. Ce texte, à la fois léger et profond, incarne l'esprit libre et humaniste propre à l'œuvre de Prévert. Et juste après le poème de Jacques Prévert, eh bien, il y aura Azilis Mandro avec Étrement. Étrement, c'est un single extrait de son prochain album qui sortira le 7 février. L'album s'appellera Et tout prend vie. Il y aura Carla Bruni aussi. Extrait de son album Quelqu'un m'a dit, on écoutera la plage éponyme, et Morgane G avec Aldebaran. C'est extrait d'un EP sorti en 2013. Et le poème, le poète belge dont je vous parlais, c'était bien sûr Maurice Carême. Allez, tout de suite, voici la musique. Et bien sûr, ce poème de Jacques Prévert. Quartier libre. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Alors, on ne salue plus ? A demandé le commandant. « Non, on ne salue plus, » a répondu l'oiseau. « Ah, bon, excusez-moi, je croyais qu'on saluait, » a dit le commandant.

on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Vous écoutez La Croisière Folle, qui, croyez-moi, vous avez bien raison. Dans cette minute astuce, eh bien, vous le savez, le gingembre est un aphrodisiaque reconnu. Et saviez-vous qu'il n'est pas forcément utile de le manger? Alors, vous le râpez en un petit peu et vous le pressez dans votre main au-dessus d'un bol d'eau chaude pour en récupérer le suc. Appliquez au creux de vos reins à l'aide d'un gant de toilette et vous allez voir, ça va booster votre libido. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire et je ne veux pas non plus que vous m'envoyez des photos. Tout de suite, la rioule des compagnons du monde. Les fraises des bois autour de la lanterne 2019, cet extrait de cet album-là. Brandywine Bridge, A Woman Who Need Loving, extrait de l'album Apéritif, album de 1981, et Judy Collins, La chanson des vieux amants. Tiens, on parle un peu de gingembre là. Je m'en vais dans les bois. J'ai rompu ma besace et je m'en vais dans les bois. Pour cueillir la bécasse, la pitance du roi. Pour cueillir la bécasse, la pitance du roi. Dans les fenaisons, je suis loin de la maison. Et je cueille des fraises, des bois. Et quand trop le temps passe, je m'assois et je bois. Et quand trop le temps passe, je m'assois et je bois. Une bonne boule qui tasse et je m'en reprends le pas. Moi je reste aux abois. Quand un noir nuage passe, moi je reste aux abois. Même les pieds dans la bouillasse et les deux mains dans la poire. Même les pieds dans la bouillasse et les deux mains dans la poire. Je cueille sur le chemin une fleur au doux parfum. Et je reprends la route qui remonte chez moi. J'ai rempli ma besace et je sors des bois. J'ai rempli ma besace et je sors chez moi. J'ai de belles bécasses pour la table du roi. Did you stop and listen to La croisière folk. Don't worry, be happy. Bien sûr, nous aimons les orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois tu pris mon envol, et chaque meuble se souvient dans cette chambre celle de moi des éclats des vieux tempêtes. Plus rien ne ressemble à j'avais perdu de tout de l'eau et moi seul loin de la conquête. Oh mon amour, mon Dieu, mon âme, mon merveilleux amour, sûr tout pris quelques amas. Il fallait bien passer le temps, il faut bien le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallait bien du temps pour l'être vieux. Et voilà, c'est ici que se termine la croisière folk. Alors, en fonction du jour où vous nous écouterez, c'est soit la dernière de 2024 ou la première de 2025. J'espère que vous passerez de bons réveillons, de fin d'année, que bien sûr les projets que vous avez se réaliseront, que les relations que vous avez bien deviendront encore plus proches et que vous aurez peut-être l'occasion de m'annoncer de bonnes nouvelles en décembre 2025 de ce qui s'est passé durant cette année. On se quitte avec D'Artagnan, extrait de leur album Herzblut, qui veut dire le sang du cœur. Un album dans lequel on trouve aussi un morceau en français, c'est La jument de Michao. Mais on écoute le roi des corsaires, König der Korsaren, avec un allemand. Je devrais prendre des cours d'allemand, je pense, en 2025. C'est D'Artagnan, un groupe de folk rock allemand. Allez, merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. I am aware de la méfiance, et la méfiance, elle est méfiante. Mais je suis en plein drame familial, là, foutez-moi la paix. Vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête, ensuite, je n'ai pas dodeliné. Er war der König von Samalo. Alle, alle, alle, alle, alle, alle. Er war der König von Samalo. La croisière folk. What a wonderful world.